via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes cette radio, mes félicitations, t'as pogné le meilleur poste. Et Critique de Crowd est une émission fort sympathique où j'observe et j'aime beaucoup la foule. Et je le répète à chaque semaine, et j'ai réalisé que j'oubliais un grand détail dans la description. Je suis un témoin assez actif dans la crowd. Quand c'est propice, parce que oui, j'aime bien quand ça trash, quand ça s'énerve, quand ça body surf, et je reste tranquille quand je vais voir un show de théâtre, là, je te dis ça de même. Mais cette semaine, non, pas de tranquillité au Puzza Fest, en cette 7e édition du 19 au 21 mai. Aïe. Le Puzza Fest. Je le dis avec beaucoup de yoyoy parce que c'est beaucoup d'émotions, vraiment. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de bands, 150. Et voilà, c'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je fais les critiques du Puzza Fest. Et à chaque fois, je reviens avec, beaucoup d'émotions. Et en même temps, je trouve vraiment que c'était une excellente édition. Je vais le répéter une 3e fois. Excellente. Alors, voilà, on va en parler en long et en large. Et en musique, on va passer les bands qui étaient sur la programmation, en plus d'extraits des critiques de crowd, des groupes que j'ai pu voir, parce que oui, au nombre qu'il y a, c'est un peu impossible. Alors, voilà. Fait qu'on va commencer tout de suite en musique avec un band qui était pas pantoute au Puzza Fest. Ben oui, c'est parce que hier soir est sorti sur les internets un nouvel album, premier en 4 ans, des Vilains Puceaux. Je les adore, ils sont irrévérencieux, ils sont incroyables. Moi, je les adore, là, ces gens, ces habitants de Matane, ville du Poêle, avec des titres pas possibles comme T'es une barde, qui est le nom de leur EP. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous faire écouter Asti que j'ai mal à la tête sur les ondes de la marge. Asti. Les Vilains Puceaux sur les ondes de CISM, toujours court et efficace. Je pense qu'une seule chanson a duré 3 minutes, les autres c'est comme 40 secondes. Mais voilà, allez les découvrir ou les redécouvrir sur leur Bandcamp. Alors, Critique de Crowd est allé au Puzza. Ben oui, je te le dis déjà, je trouve qu'au mois de mai, ça installe déjà l'été. C'est drôle, les publicités des Francofolies disent qu'ils amènent l'été. Non, ça arrive bien avant, déjà avec Distorsion la semaine dernière, maintenant avec le Puzza. Je te dis, il est bien installé et il y a au mois de mai une espèce de frivolité, d'effervescence particulière à Montréal en musique, ou peut-être que c'est juste moi. Je reviendrai sur le sujet, mais pour moi, les festivités commencent particulièrement avec le Puzza qui était à leur 7e édition. Et si pour toi, ça te dit rien pantoute, puis tu dis, Jolaine, explique-moi ça. Ben oui, c'est hommage au punk rock. Je dis hommage parce que peut-être que pour certains, c'est c'est les années 90, le skatepunk et tous ces autres dérivés. Là, quand même, le festival est assez varié. Et oui, avec les années, je crois qu'on a quand même visé sur le punk rock plus que sur des bands qui étaient plus arrache, qui, ouais, sont un peu moins présents, mais ça change pas qu'il y a beaucoup de groupes qui sont politisés, revendicateurs, un peu plus hardcore. Alors, il y a beaucoup de variétés, mais il y a vraiment un esprit de collectivité, de joie de vivre dans le punk rock véhiculé durant le Poudza avec ses 150 groupes qui envahissent le centre-ville de Montréal. Cette année, c'était au Jardin des Bières, une des parties de la place des festivals. Il y avait là-bas, entre autres, du yoga, le Poudza Bambino, oui, des jeux pour enfants. Pourquoi il n'y a pas des jeux gonflables pour adultes? Ça, c'est ma question. Déjà, les parcs pour enfants, j'aimerais ça comme qu'il n'y ait pas juste des bars d'entraînement, tu sais, dans les parcs à Montréal, là, mais tu sais, qu'il y ait vraiment des jeux pour adultes. Ceci sera mon moment éditorial. Fin de la parenthèse. Et sinon, au Jardin des Bières, une belle scène pour accueillir de nombreux groupes gratuitement à l'extérieur et surtout des dalles en plastique pour préserver le gazon. Ça, c'est bien connaître sa crowd et savoir qu'il y aura déjà des trash. Eh oui, eh oui. Quoi qu'il avait l'air un peu chambranlante au début, j'y croyais pas. Finalement, ils ont taffé à run. Je suis quand même surprise. Je le dis quand même. Et autrement, ça, à l'intérieur, les Fofones électriques, encore une fois, avec, oui, un merch mall le dimanche, barbecue le samedi. Il se passe bien des affaires. Cette année, nouveau, deux scènes. Une sur la terrasse au deuxième étage et la scène bien habituelle des Fofones électriques. Catacombes, encore une fois. Et encore une fois, oui, il y a des choses qui se répètent d'année en année. Ça devient des traditions, des shows acoustiques en journée. Les spectacles commencent plus tard. Le Théâtre Sainte-Catherine avec le Poudza Rire, Poudza Laugh pour les deux jours. Et encore une fois, des spectacles. Je crois que c'est quand même le but, hein, de voir des groupes de musique. Le Midway, ça, c'est nouveau et j'ai pas pu y assister. Paraît-il que c'était fort sympathique d'aller découvrir... les derrières du Midway. Ouais, parce que ça a l'air que c'est en arrière des tables de poule. Genre, il y avait une porte mystérieuse, puis ouh, il y a un spectacle. Mais là, ça m'a pas donné, ouais, dans mon merveilleux temps. Je vous mentionne toutes les salles parce que le festival a beaucoup évolué à travers le temps. Fait quand on dit centre-ville, des fois, ça allait jusqu'au Piranha Bar, puis oui, ça allait aussi jusqu'au au Trash Bar. Puis pour vouloir profiter pleinement du festival, ben on est à pied, puis ça peut être un peu compliqué. Alors, même si, oui, j'aime beaucoup les spectacles qu'il y a au Piranha puis qu'il y a au Trash, je trouve que c'est une belle... je les aime bien, je les porte bien dans mon cœur. Mais pour le Poudza ou pour n'importe quel festival, où il y a beaucoup de salles et de scènes, mais ça devenait un peu compliqué, puis tu savais toujours que t'allais manquer d'autres bands pendant que tu voulais absolument aller voir un groupe au Piranha, ou tout simplement tu y allais juste pas, puis ça avait quand même un impact sur la crowd qui faisait en sorte que c'est des salles plus ou moins remplies. Et là, inversement, je crois que toutes les salles où je suis allée, il y avait quand même un bon nombre de crowds, je suis bien heureuse. Je suis vraiment, vraiment là-dessus, c'est pour ça que je crois que c'est une de mes éditions préférées, c'est la proximité, vraiment les distances, 5 minutes de marche. Tu sais, quand tu trouves que le Théâtre Sainte-Catherine est loin tout d'un coup, c'est pas normal. Ça veut dire que véritablement, tout était proche cette fois-ci. Et pour moi, oui, ça me compte parce que je suis le genre de festivalière assez curieuse. J'ai envie de découvrir le plus de groupes possible. Je butine d'une salle à l'autre. Et oui, c'est à l'avantage de ce type de festivalier-là de créer cette proximité entre les salles. Même si, je le répète encore, mais oui, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial au Piranha Bar. J'ai aucune idée. Peut-être que j'y vais pas assez souvent. C'est pour ça que je le trouve charmant. Je ne saurais te dire. Et autrement, j'ai parlé beaucoup de toutes les émotions qu'amène le Poudza et je suis certaine que je ne suis pas la seule, mais j'ai trouvé le terme en allant au Poudza cette année. J'ai réalisé mimé, je trouve qu'il y a une énergie particulière. On dirait comme les phéromones du printemps là qui s'énervent là, mais jusqu'à l'été là, fait qu'on dirait un condensé pour ceux qui ont hiberné trop longtemps. Il y a comme un karma Poudza. Je te le dis, va au Poudza. Moi, j'y vais toujours un peu mode semi-solo. Tu sais, je retrouve des connaissances de crowd, vraiment beaucoup, et les année le confirme. Les amis sont présents. On est heureux de se voir, se redonner des nouvelles. On se fait des amis. Oui! Le monde sont super sociables. Ça doit être l'accessibilité. Tu sais, autant que c'est oui, les punk rockers ont vieilli, fait qu'ils sont rendus avec des familles, fait que oui, on veut que ça soit inclusif, là, on veut que ça soit familial, mais aussi qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a des véritables punk rockers qui sont prêts à se déplacer, et qui, ouais, là, eux autres, c'est... comment dire, les plus enthousiastes, là, ils trippent à mort, puis ils veulent juste comme en profiter. Puis je trouve que c'est des belles, belles rencontres qui se passent au Poudzha. Il y a cette énergie-là, et le fait sûrement qu'il y a des activités très tard jusqu'à très tôt. Ça dépend à l'heure que tu te couches, c'est pour ça que je le dis de même. Ouais, où tu dors juste pas, mais qui fait en sorte qu'il y a un aspect humain très, très fort à ce festival-là. On pourrait accuser que je suis sociable, mais non! Je te dis, des fois, il y a des fins de spectacle, scène extérieure, le monde font « Hey, qu'est-ce que tu vas voir? Moi, je m'en vais voir telle affaire! » T'as encore rien dit! T'as rien dit! Tu regardais un nuage, tu regardais nulle part, puis le monde vient de te voir. Je trouve que, oui, ça fait toute la différence sur mes critiques de crowd. Inévitablement, parce que qui dit foule, qui dit humain, et la distinction, un peu comme l'arbre et la forêt, là. Comment tu fais pour faire la différence entre les deux? C'est un peu difficile. C'est sûr que ce ne sera pas qu'une critique en rose, là, je tiens à le dire, parce que je suis toujours trop enthousiaste de toute façon à la critique de crowd. Mais oui, des fois, je crois le petit truc. Il y a du monde qui sont tellement festifs qu'il y a un petit manque d'écoute, des fois, quelque part. Ou des fois, ouais. Les différents types de festivaliers. Je vous reviendrai là-dessus, peut-être particulièrement durant Mustard Plug. J'ai l'impression que c'est là que je l'ai le plus senti. Ça, durant The Slackers. Je sais pas ce qui est arrivé avec le ska, mais ça passait des affaires avec le ska. Alors, sur ça, ben, Poudzha. Ben, c'est la combinaison en Poudzha puis pizza. Fait que j'ai pas trouvé de tune à part celle de Microm qui parle de Poutine. Fait qu'à la place, on va écouter Pizza Skate Punk de Bomb Jeans. Je souhaiterais toujours plus de chansons de Mom Jeans parce que leur EP en compte deux, Dormir sous et Pizza Skate Boy que vous venez d'entendre sur les zones de la marge à critique de crowd qui commence son Pizza Fest. Oh oui, j'étais de bonne heure. C'est vrai, je pourrais toujours être plus tôt, là, mais j'étais là dès fin après-midi et j'ai couru, j'allais dire, j'ai quasiment couru, mais non, je... Je me suis dépêchée, vraiment, pour aller voir Charogne, premier groupe qui jouait à la scène 2 des Foufounes électriques. Et très, très, très bonne idée d'avoir une deuxième scène aux Foufounes électriques. Parce que, comme j'ai dit, tout est assez proche. Mais entre deux spectacles, ça alterne très bien aller vers la scène principale des Foufounes électriques, aller vers la terrasse. De toute façon, il fait chaud, fait qu'on sort, fait que, de la musique, c'est donc bien agréable. J'espère qu'ils vont répéter l'expérience pour les prochaines éditions, parce que j'ai trouvé ça bien ingénieux. Et quand je dis que j'ai couru, ben oui, j'ai couru pour arriver vers Charogne, groupe montréalais, Riot Girl, avec des textes ironiques. Et oui, ben oui, c'est le premier ben de la soirée. Là, la soirée est encore jeune et il n'y a pas tant de monde. Oui, ce serait mentir de dire l'inverse. Et il y avait une barrière psychologique plutôt désagréable qui était la console. Elle était en plein milieu de la terrasse. Le lendemain, ils l'ont mis sur le côté et merci, ça fait la différence. Quand je dis barrière psychologique, ben véritablement, ça l'est. Tu sais, autant que physiquement, ça sépare la salle, ben psychologiquement, les gens étaient tout en arrière. Il y avait des tables en plus avec des chaises. Tu prends ça relax. Et effectivement, c'est un peu ça comme la dynamique de cette scène-là. C'est chill, c'est relax. On aime les groupes, on va se rapprocher. Sinon, bon, on l'écoute avec une certaine distance, puis c'est bien correct. Simplement, avec la console, ça divisait assez durement. À ma première chanson, même que j'étais justement plus en arrière qu'en avant, parce que c'était vide! Et comme deux autres punkettes, je me suis avancée par solidarité et aussi, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui s'avancent, là. Fait que, ça, il n'y a personne qui va le faire. Quoi que, tu sais, dans le dire avancer, là, on était trois, là. On a tous les trois pris nos coins, là, si on veut. Là, on était comme collés au mur parce qu'il faut quand même soit être très fan, soit être assumé, soit être un peu show-off pour se mettre vraiment au centre, puis dire comme « Je regarde ce spectacle. Il n'y a personne autour de toi, mais moi, je regarde ce spectacle seul, avec tout cet espace vide autour de moi. » Ouais, bref, j'avais envie d'être proche du groupe, mais bon, je voulais être quand même bien tranquille, bien dans mon coin. Dans mon coin! Oh mon Dieu! Le plafond des foufounes électriques est en train de se désagréger sur moi! Au début, j'étais comme... Il y a de la neige? Non, mais au début, j'étais comme, il y a de la poussière. Qu'est-ce que c'est ça? Je lève la tête et il y a carrément plein de petits flocons là, de contreplaqués qui se défait sur moi, mais qui se défait tout le temps. Je suis comme, ah! Les foufons électriques sont en train de se détruire! Tranquillement, pas vite, là, mais ils se détruisent quand même! Fait que j'étais un peu inquiète, ça m'a un peu... Et c'est niaiseux, mais oui, ça m'a déconcentré parce que je me disais, comme voyons, ça arrête plus cette histoire-là. Oui, c'était juste comme une espèce de bout de bois, là, puis non, c'était pas tout le plafond, j'exagère, là, mais reste que je sais pas ce que ça faisait là, mais faites le ménage, foufoune électrique, faites le ménage. Ça, puis à l'extérieur, il y avait comme deux espèces de palmier qui est en train de mourir, là, tout brun, là, en train de dire, je sais pas, c'est un mauvais hiver au Québec. Non, mais vraiment, là, tu sais, c'est une plante exotique. Qu'est-ce qu'elle a fait, là, tout ce temps-là? Elle faisait assez pitié. Là, vous me direz que j'accorde beaucoup d'importance sur les événements extérieurs, que le spectacle en tant que tel. Ah, oh, oui, mais ce n'était qu'un simple moment de d'observation. Là, j'ai été assez attentive parce que le groupe nous parle et... Quand j'aime un groupe, peut-être que je suis sensible à la façon qu'ils s'adressent au public. Et comme je vous ai dit, ben oui, j'ai couru, tu sais, pour m'en venir. Puis quand ils ont dit, ah oh oui, notre prochaine toute, c'est un hit international avec pas cette ironie qui sent le faux orgueil comme ouais, notre prochain gros hit, parce qu'on sait que c'est encore un groupe qui débute et qui n'ont que quelques chansons. Mais ouais, un deuxième degré qui porte pas tout à fait juste parce qu'on comprend pas exactement ton intention, tu sais. Est-ce que c'est parce que tu manques d'orgueil ou c'est que tu le dis comme ça, comme ouais, notre gros hit, tu sais, tout le monde le connaît. Mais ouais, mais moi je le connais! Moi je le connais! Je suis venue à l'avance pour vous autres, les filles! Et les garçons, parce que là, il était 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, il y avait deux gars. Il y avait deux gars cette fois-ci parmi les membres du groupe. Et même une autre fois, ils disent « Vous êtes silencieux. » Et je me suis permis de répondre « Mais non, on est attentifs. » Et ils ont entendu, mais il n'y avait pas grand-chose à répliquer. Mais c'est un fait. Et inversement, quand t'es un groupe pis que le monde font juste jaser pis comme je dis, tu sais, c'est quand même un endroit où ça pourrait être relax, tu te reposes, assis en arrière de la console. Ben, c'est quand même plus agréable que les gens soient silencieux et à l'écoute qu'en train de jaser, boire sa bière pis s'en foutre un peu. Fait qu'encore une fois, je suis comme, ah, pourquoi je suis triste? J'étais, ouais, quand je vous ai dit que j'ai vécu plein d'émotions, ben, ça en fait partie. Ça m'a un peu affecté. Par contre, ça a été résolu grâce à leur reprise d'un des textes de la pièce de théâtre. Les filles ont soif. Et je trouve ça merveilleux qu'un groupe tel que Charogne le reprenne, parce que l'importance féministe des filles ont soif au Québec, c'est incomparable. Pour ceux qui connaissent pas la pièce de théâtre, ça a fait vraiment scandale. Au TNM, à l'époque, il y avait des manifestations, puis c'était « Ah! Il faut pas passer cette pièce qui parle de pute! » Et moi, je l'ai joué quand j'étais ado, puis c'est tellement pas un texte adolescent. Fait que je vais toujours avoir... oui, c'est comme cette ferveur-là quand on parle des filles en soif. Alors, je vous remercie d'avoir ramené ces doux souvenirs dans ma tête. Et quand vous dites, cher Charogne, qu'on veut une deuxième toune, ben oui, on en veut une deuxième toune. Alors, voilà. Ça, je crois que j'avais envie de vous parler de ce show-là aussi, parce que sur une programmation de 150 groupes, j'ai l'impression que ça peut être très difficile d'être ou le dernier band ou dans les premiers bands. Mais sache le groupe, et ça, c'est un commentaire comme en général, en tant que public, là, parce que c'est ça, critique de crowd, là, je suis de la foule. Ben, si je suis là devant toi, ben, c'est parce que j'ai envie de te voir ou je suis curieuse de te voir. Et sinon, non, ben, je suis dans le fond de la salle, puis je t'écoute pas, puis je te vois pas. Fait qu'on n'est pas tant concentrés, on n'est pas tant ensemble. Mais peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans la foule, ben, oui, tu me donnes un show, puis oui, je suis heureuse de te voir. Fait que voilà, ce sera tout. Ce sera tout. Mais on va en passer, si vous le connaissez pas, leur gros hit international, Féministe frustrée, sur les ondes de CISM. Grosse.

présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Et Corridor, ben, ils ont un nouvel album qui lance ce soir avec Sure Agony à la Sala Rossa. Ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crawl sur les ondes de CISM, le 89.3 FM. Et oui, encore et toujours des suggestions pour toi, cher auditeur de la marge, parce que je sais que tu es beau quand tu écoutes la radio, mais t'es encore plus beau quand tu es dans la crowd devant un bon groupe de musique. Et sinon, ce soir... Ah! Je ris parce que je me dis que cette semaine, c'était vraiment... Il y a vraiment des gros groupes qui passent à Montréal et il y a un incontournable très peu dans la marge, mais quand même, je tenais à mentionner le passage d'Alain Morisseau et de Sweet People parce que en voyant qu'il allait jouer au théâtre des Jardins Jean Grimaldi, ben c'était un peu comme Brou. Tu sais, Brou, ils viennent juste de terminer récemment là, d'être en tournée, spectacle qui a battu des records Guinness tellement ils ont joué. Puis c'est un classique. Puis je les ai jamais vus. Je me dis, Jolene, un jour tu vas leur regretter de jamais avoir vu Brou. Ben, peut-être pas tant, là, mais peut-être que si! Et je me dis un peu la même chose avec Alain Morisseau. Je suis comme, un jour, je vais arrêter de jouer. Puis tu seras jamais allé voir sa crowd. Puis tu vas leur regretter, Jolene. Fait que sur ça, si vous allez voir Alain Morisseau, ben, ramenez la critique sur le Facebook de Critique de Crowd. Courriel, les internets, c'est bien fait pour ça. Sur ça, moi, je vais plutôt être au ballet ce soir. Alors, je vais voir Falling Angels. Et. Il y a trois spectacles à l'intérieur. Il y en a deux que c'est des chorégraphies de Jerry Killian, qui est comme vraiment un gros nom dans le milieu de la chorégraphie. Fait que j'ai hâte de vous faire un merveilleux spécial ballet la semaine prochaine. Vendredi, mon métalleux, Carcasse aussi, viennent de lancer un nouvel album. Ça se passe au Foufoune Électrique. Samedi. Tu vois, je voulais dire samedi puis Animal Collective en même temps. Fait que ça donnait S'Animal. S'Animal avec Circuit des yeux en première partie au théâtre Corona. Et si tu es en manque de ska, parce que le Poudzou n'aura pas suffi, je te suggère Skank le Pic 4 au Catacombe avec PL Mafia, Union Jack, si t'es manqué au Poudzou, c'est l'occasion de te rattraper. Et oui, ça va être bien agréable. Allez voir ça. Dimanche, encore une fois, c'était en banque de punk rock. Flogging Molly au Metropolis. Lundi, Nick Cave and the Bad Seeds, encore une fois au Metropolis. Je t'ai dit, c'était des gros shows. Mardi, Sigur Rós. Et aussi mercredi, si tu manques mardi, à la salle Wilfrid Pelletier. Et finalement, mercredi, Daughters au Ritz PDB. On va continuer tout de suite en musique avec les merveilleuses chansons du palmarès francophone. En 24e et 5e position, vous allez écouter Nicolet et Pony. Forme que je connais bien pour emprunter à Pony avec la chanson Brise-glace, oui. Et vous avez aussi entendu Nicolet avec la chanson Ratio pour 30 autres bonnes musiques. C'est ISM893.ca et tu auras accès au palmarès francophone, mais aussi au palmarès anglophone. Sur ce, ben, je m'étouffe sur les ondes de la marge. Critique de crowd! C'est parce que je m'énerve toujours beaucoup, même en studio, et j'en perds mon souffle. Et voilà maintenant, on est encore le vendredi en passant en ce spécial de Puzza Fest, parce que, oh mon Dieu, il y a tellement de groupes, c'est difficile de bien vous résumer autant d'événements. Et de vous résumer autant l'ambiance aussi, ce soir-là, c'était particulièrement ska, mais c'était... C'était particulièrement pré-Bambino dans les entractes. Je sais pas pourquoi, mais hasard et heureux hasard, je suis comme à côté de petites filles qui ont soudainement décidé de pratiquer leur cheerleading à l'entracte de Monster Plug. C'était incroyable. Je sais pas s'ils donnaient un spectacle, mais moi, je les applaudissais à chaque fois. C'est pas des jokes. C'était comme « Bravo les filles, continuez! » Ouais! Mais il était comme assez incroyable. Il faisait des pyramides, des sauts sur la pyramide. Et en tant que critique de crowd, ben oui. Je me disais, quel potentiel crowdien, ça a le cheerleading. Imagine si dans un pit, on pouvait comme « Wouh! » faire voler quelqu'un de même. Pas juste comme sauter puis sur les épaules des autres. Non. Quelque chose d'encore plus organisé. Ah, j'y voyais un potentiel incroyable et beau. Et surtout, je leur souhaite une très longue carrière à ces filles-là parce qu'elles sont bien parties. Alors, pendant que j'étais enchantée par les jeunes demoiselles, ben oui, Mustard Plug, qui viennent jouer Evil Doers Beward. Et là, oh mon Dieu, j'ai pris... Plutôt cette semaine, j'ai écouté comme un de... Ah mon Dieu, c'est assez informe hein, pour un amateur de musique. J'ai écouté un best-of. Mais il était assez bon comme best-of. Fait que petit extrait de Monster Plug, un peu au hasard. Let's go, le hasard! Où que tu sois, j'espère que tu vas minimalement danser un peu de tes épaules avec beaucoup de gaieté, parce que, ouais, c'est mon cas. Et oui, c'était bien sympathique. Un pit là, qui prend toutes les dalles là, qui étaient installées pour protéger le gazon. J'ai une petite hésitation, parce que oui, c'est fort sympathique comme musique, mais je trouvais ça comme plus violent que la musique en tant que telle. Ah, fallait de la technique. C'est toujours un certain moment d'adaptation en spectacle pour pouvoir, avoir du plaisir à danser, skanker, à trasher, mais en même temps, il faut comme fitter avec la foule. Et oui, je suis petite, fait que des coups de bras de gens qui dansent, quoi, des fois, je les reçois plus dans la face que dans le chest de la moyenne des gens, là. Fait que, ouais, ça a été comme pour moi un peu tough. Aussi, c'est gros mélange danser ska puis trasher, c'est peut-être quoi, ouais, cet élan un peu incertain qui amène le trash puis la technique très précise du ska. C'est un mélange qui peut être étonnamment plus dangereux qu'en a l'air, tandis que la musique est si souriante. Et par la suite, c'était The Slackers qui jouaient au complet Red Lights. Écoutons-en aussi des Slackers. Que c'est même, tu sais, c'est encore plus mollo, encore plus... Je sais pas à quel point ça amène autant d'énervement qu'il y avait dans la foule. Était-ce une surexcitation de voir ces groupes quand même? Les Slackers, c'est mythique. Ils existent depuis 1991. Il y en avait, oh mon Dieu, il y avait vraiment des vieux fans dans la foule. Mais en même temps, il y avait comme un pit un peu sur le côté de gens inarrêtables. Ah, c'était un peu... ce mélange de foule, tu sais, en spectacle extérieur, c'est gratuit, ça peut amener pas tant au Puzza, je trouve, ça amène pas tant son lot de festivaliers curieux, tu sais, le festivalier montréalo, je suis en congé, paisible, ben oui, tu sais, qui prend un peu, qui prend le spectacle à la légère. Non, tu sais, ici, on a affaire à des gens qui connaissent le trash, qui ont envie de s'amuser, à quel point ils étaient vraiment des gens férus du groupe. Je pourrais pas dire pour tous les skankers, parce que ils étaient... Ouais, intense. Quand je dis intense, c'est qu'il y en avait, ils continuaient à danser, même entre les tunes. Ils continuaient à danser vraiment de façon effrénée dans les moments les plus doux. Fait que ça foutait pas pantoute. Fait que je me suis dit, soit ils les aiment vraiment beaucoup, soit ils sont vraiment, genre, ils ont envie de purger quelque chose, puis il y a de la sueur à sortir à quelque part parce que... Il était comme plus... Oui, il était plus intense que la musique. Mais je parle pas à tous et chacun. Fait que je peux pas savoir c'était quoi ta véritable intention durant le spectacle. Mais c'est sûr que ça aura dérangé une certaine Véronique. Elle, j'ai jasé, par exemple. Bonjour, Véronique. Et quand je dis vieux fan, elle me présente son mari, puis elle est comme... Lui, il a 20 ans, il a joué avec eux autres à Paris. Puis elle était bien, bien excitée, là, de voir The Slackers. Et... Justement, elle est en plein milieu du pit, puis elle est comme assez, pas impassible, puis elle est pas comme frustrée, là, mais quoique, elle a pogné par le collet un gars qui dansait du ska, mais assez fermement, merci. C'est vrai qu'il en faisait beaucoup. Est-ce qu'il était meilleur fan qu'elle? Ben, tu sais, on calcule pas ça, là, c'est incalculable, et on veut pas calculer ça non plus. Reste que son énervement la dérangeait aussi. Qui a raison? Personne a raison dans la vie. Encore, j'ai envie de dire encore moins dans la crowd, sauf si t'es vraiment chaud, puis t'es tout le temps en train de tomber à terre, là, ben, tu mérites d'aller te coucher. Mais autrement, chacun agit un peu comme bon leur semble. Peut-être qu'elle était mal placée parce qu'elle était vraiment au milieu du pit parce qu'elle voulait une vraiment belle vue. Et je la comprends. Et en même temps, elle m'a pris comme par-dessus l'épaule, puis c'était sympathique. Fait qu'on voyait qu'elle voulait danser puis qu'elle voulait s'amuser. Mais elle m'a dit la phrase, tu sais, c'est le fun. C'est le fun de s'amuser, mais faut pas en faire trop. Puis j'ai l'impression que ça résume un peu le show de Slackers. Puis tu sais que je vais être d'accord avec elle, mais il y avait une certaine difficulté dans la mixité des festivaliers, peut-être. Ouais, mais autrement, comment ne pas avoir du plaisir durant un show ska? C'est impossible! Impossible. Sur ce, on va aller en écouter. Il était en spectacle aussi durant le Puzza dans le temps de fiasco avec Drapeau Rouge. We'll be right back. Vous venez d'entendre Drapeau rouge du groupe d'Entente Fiasco de leur album Insatisfaction garantie. Vous écoutez toujours la critique de Crowd en ce spécial Puzza Fest. Et nous voilà samedi, en ce beau samedi où j'ai ouvert, collectivement, là, on était plusieurs, ouvert le bar. On a ouvert les catacombes. Je sais pas, mais moi, tu sais, je suis pas une habituée de bar. Oui, je fréquente ces lieux de boissons, mais tu sais, pas au point, genre, que je veux boire, puis que t'attends que soit 4 heures puis que le bar y ouvre. Non, ça m'était jamais arrivé. Fait que j'ai trouvé l'expérience quand même déroutante. J'étais comme, oh, c'est pas ouvert tout le temps. Ouh, c'est pas ouvert comme à partir de 9 heures le matin. Non, ça, c'est dans Schlaga Maisonneuve et c'est mon quartier. Alors, voilà pourquoi je savais pas trop à quelle heure ça ouvrait un bar normalement. Alors, sur ce, le groupe qui commençait la journée, c'était Heart Attack Kid. On va aller en écouter sur, je crois que c'est leur premier album, Holy Gans. Ah, vous irez bien voir sur leur Bandcamp. Il y a tout plein de bonne musique. J'espère que vous avez bien apprécié cet aperçu parce que c'était un très bon spectacle, surtout pour un premier show. Ça attirait bien. Oui, ça, c'est bien crowdé, les catacombes, mais je trouve que c'est une salle qui se crowd bien par sa disposition particulière. Tu sais, la scène en coin. Je trouve toujours que, oui, je l'aime, les catacombes. Je l'aime, puis je trouve que c'est facile d'avoir un pit sympathique. J'y ai pas participé, les gars étaient grands! Les gars étaient grands, puis ils étaient très volubiles. Je sais pas, je trouvais qui était plus beau à regarder que de participer, eux qui lancent leurs grandes jambes dans les airs. Oui, ils faisaient des espèces de jumps pour pouvoir foncer dans le monde. C'est une technique que je n'ai pas, mais il va falloir que je pratique parce qu'elle me semble assez efficace. Merci. Et oui, c'est 5-6 participants. Là, quand je dis que c'est facile d'avoir un pit, c'est parce qu'ils sont pas hyper nombreux, mais en même temps, il y a quand même assez de gens pour s'amuser. Et à chaque arrivée d'un nouveau festivalier, oui, ça fait que le pit s'agrandit. Et il y a une très belle gradation même dans l'énergie, dans la foule. Tu sais, ça s'est pas parti en feu tout de suite comme « Ah! » Varger dans le tas. Non. Vraiment une belle gradation qui s'est faite au fur et à mesure que les gens sont arrivés. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand je parle d'écoute, moi, je trouve qu'il y a un petit peu ce rapport-là qu'il y a eu. Et sinon, quand je dis que j'aime beaucoup les catacombes, lentement, mais sûrement, les changements de mœurs, ben ça fait un bout que j'étais pas allée. Puis, première chose que je constate, c'est que les toilettes sont devenues non-genrées. Et c'est plutôt bien marqué. Là, tu sais, il y a deux affiches et ils ont enlevé les bonhommes de monsieur puis les bonhommes de madame sur les devants de toilettes. Mais effectivement, ils n'auront pas changé les toilettes en tant que telles. Fait que si tu veux un urinoir, tu vas dans une toilette. Et si tu veux pas d'urinoir, si tu veux comme elle a une petite toilette à tampon, tu vas dans l'autre toilette. Alors... Je le mentionne parce qu'il y a un autre animateur de CISM, Maxime qui anime le Char de Marge. Je le salue et écoutez les dimanches soirs pour avoir en primeur les exclusivités de ce beau palmarès, qui m'a dit que justement, il a tenté le non-genrage de toilettes, mais quand même, il s'est fait un peu regarder. Moi-même, j'ai pas fait l'expérience parce que, oui, je crois que ça doit être le cas. On est juste trop habitués. Tu sais, je suis habituée d'aller dans la toilette des filles, même si c'est plus une toilette de filles. Quand je dis lentement, mais sûrement les changements de mœurs, voilà. Alors sur ça, ne regardez personne de croche aux catacombes, parce que voilà, maintenant, ils sont pour tout le monde. On va continuer en musique avec Barrasso, qui était aussi en spectacle. On va écouter leur album « Des X, des Croix, des Pointillés ». We'll be right back. Barrasso sur les ondes de la marge. Et mon Dieu, c'était un gros show samedi. Je les ai déjà fait en show. Vous avez fait une critique assez dithyrambique de pop. Ben oui! Alors, c'est encore une fois tout à fait excellent. Et juste avant eux, c'était Aaron Schick qui donnait vraiment le ton pour la soirée. Question ambiance dans la crowd pour ses amitiés crowdiennes. Et je vous dis, des fois, il y a des choses un peu inexplicables dans la foule, comme déjà, on retrouve des connaissances. Fait que, tout excité, trash à deux. La technique tandem, des fois, c'est compliqué, hein? Parce que, oui, j'ai trashé à deux avec des connaissances, mais aussi des connaissances assez spontanées, merci. Dans le sens où il y avait un gars en chemise, l'air de rien, il est comme « Viens! Viens! » Il a compris qu'il y avait en moi critique de crowd qui cherchait le contenu. Mais non, pour de vrai, il me prenait, puis en même temps, on trashait à deux, mais sa technique était un peu poche, fait que j'avais toujours l'impression qu'il voulait m'égorger. Non, il n'y avait rien de meurtrier dans l'histoire, là, simplement. Je pense qu'il était trop grand pour moi, fait qu'à chaque fois qu'il ramenait le coude, c'était comme « Ah, c'est ma gorge! Va! » C'est un peu... Ouais, ça peut être un peu compliqué, mais sinon, les gens sont sympathiques. Petit pas de ska, parce que je t'ai dit, dans la foule, il y a des gens que je reconnais. Je pense que j'y avais parlé vite durant le Ska Fest, mais il y a le meilleur danseur de ska au monde qui était présent tout le long du festival. C'est tellement un gentleman qui vient comme te danser 2-3 pas. S'il voit que t'es un peu coincé, il te fait un peu d'espace. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur spectateur au monde, en plus d'être le meilleur danseur de ska au monde. C'est pas peu dire. Alors oui, il y avait cette ambiance, c'est tout à fait sympathique et même... assez téméraire, tu sais. Je me souviens, durant Run Chick, il y a un gars qui avait des énormes stretch, puis il en a perdu une. Tu sais, ça fait POC! C'est vraiment un gros stretch qui ressemble comme à une POC de hockey. Puis il a été vraiment rapide pour pouvoir la reprendre. Mais en même temps, ça fait juste... c'est comme une prédiction, mais hey boy, il va y avoir des affaires qui se perdent durant la poupe. Hey boy. Alors, sur ça, ben, hey, du poupe, on va-tu en écouter un petit peu? On s'en va en écouter un petit peu. Ah, je vous invite vraiment à écouter les albums au complet. Poup, c'est si rassembleur, vraiment, il y a une énergie incroyable durant les shows. Et en même temps, je vous dirais, comme un peu, c'est drôle, hein, comme pour le ska, mais soyez préparés en tant que participants parce que c'est vraiment plus vigoureux qu'on peut s'y attendre, je trouve, par rapport à la musique, même par rapport, je sais pas, cette forme, je veux pas dire le mot agressif parce que personne n'est agressif, mais il y a du petit nerf. Parce que la technique, et je vous dirais, celle qui prédomine le plus durant le Poudia Fest, c'est une technique un peu taureau. Là. Tu fonces dans le tas! Puis tu fonces dans le tas, il y en a, là, c'est carrément tête première, fonce dans le tas, tête première, quand même, faut être téméraire. Alors, c'est pour tous ceux qui sont un peu comme moi, un peu genre, je me laisse aller dans le courant, je poussaille, je m'amuse. C'est sûr que là, tu peux te faire rentrer dedans un peu plus facilement. Fait que soit t'es plus à l'affût, un meilleur regard, plus attentif de ton environnement, ou toi aussi tu uses de la technique. Parce que je trouve qu'il y a, comme une part d'être assumé. Je suis dans le pit, puis et en même temps, c'est juste pop, tu sais, je veux dire, il y a comme quelque chose de trop sympathique dans la musique pour faire comme varger dans le tas. Mais oui, il y a un peu de ça. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont perdu des affaires et qu'on a des rencontres sympathiques, je crois que j'ai un 2-1 cette fois-ci sur l'histoire. Il y avait un gars, je sais pas pourquoi, tu sais, on trash puis on se retrouve toujours parce que le pit est grand, mais en même temps, c'est les mêmes participants. Fait qu'on est comme yeah, on s'amuse, yeah! Puis il m'invite à body surfer et oh mon Dieu, la technique que j'ai eue était vraiment mauvaise. Je me suis comme accrochée à sa taille en premier. Fait qu'il était comme pas capable de me swinguer dans la foule. Fait que ça a été un peu laborieux, mais j'y suis arrivée. La preuve, ça a donné des quand même assez belles photos, merci. Et Body Surf relativement court, vraiment. Tu vois, c'est pas mes Body Surf préférés. Tu sais, il y a comme un mètre de crowd à traverser. Le monde commence à être tanné d'en avoir par-dessus la tête. Essaye pas, il y a du monde qui l'ont essayé, mais essaye pas d'aller comme vers le fond de la foule, du monde tranquille qui veut rien savoir de toi. Non. Tu Body Surferas même pas une seconde. Le monde sont comme, moi j'ai pas une bière, fait que j'ai déjà une main de monopoliser. Fait que là, t'es comme dans la crowd, puis t'es comme tout de suite à la clôture. Fait que ça a été court. Et bon, ça laisse la fantaisie de quelques figures de style dans mon cas pour le body surf, parce que oui, j'aime bien complexifier la démarche. Et je trouvais étrangement que ça prenait beaucoup de temps avec les gardiens me disent « Allez, va vaquer à tes occupations, fille! » Mais ouais, tu sais, j'étais là de l'autre côté puis je marchais beaucoup trop tranquillement. Puis là, je me suis dit « moi ici de stage diver. Non, ça, par exemple, ils l'ont spoté assez vite, merci. Même que ça m'a légèrement, à peine, mais tu sais, juste assez pour sentir le métal légèrement tranchant sur mon petit bras. Puis là, j'ai fait comme « OK, on n'essayera pas le stage dive ici, certain, du tout même. » Et en revenant justement dans la crowd, quand je vous dis, là, c'est une belle foule. Puis les gens chantent beaucoup et même toutes les paroles. Je me suis fait arrêter par un groupe de filles, puis là, on a chanté en chœur. Puis on était bien heureuses. Je vous le dis, comme des moments d'amitié de crowd de même, le poudre en 9000, c'est assez beau, merci là-dessus. Il y en a d'autres des fois qui sont un peu moins clairs, comme il y a quelqu'un qui me frottait la tête, comme un chien. Puis là, j'étais comme me revirais, puis j'étais comme c'est qui? Je sais pas. Le pire, c'est que la deuxième fois, je me suis retournée et attends, j'ai vu la personne, je le connaissais pas. Et en même temps, bon, on était amis puis on a trashé en tandem, puis ça a été bien sympathique. Trashé en tandem, c'est pas une pratique à généraliser. J'ai voulu le faire avec quelqu'un qui m'a fait un « What? What que tu me fais? Voir que tu me push-push? Voir que tu me fais ça pour dire non? Voir que tu veux pas participer puis que tu me fais comme un petit tour suffisant de non? Ça m'a... Ça, j'avoue que c'était vraiment pas un plus dans ma soirée. J'ai trouvé ça étrange et triste. Voir que tu fais une onomatopée pour me dire que t'as pas envie de tuer à deux. Mais autrement, non, il y a beaucoup trop de belles amitiés pour que ça soit gâché ainsi. Et dans le trash, oui, il y a beaucoup de monde. C'est très serré, c'est très dense puis très énergique. Des fois, t'as l'impression que tu peux comme vaguer, là, genre « Ah mon Dieu, mais où est mon bras? Où est ma jambe? » Tu sais, tu peux vraiment te perdre facilement et dans tous les sens du terme. Mais il y a aussi quelquefois des bulles qui se font comme des trous à l'intérieur du pit ou même en arrière du pit. Puis je sais pas si c'est par rapport justement à la technique tandem, parce que j'ai trashé avec quelqu'un à deux et en étirant nos bras, ben oui, ça faisait des grands, grands vides, comme des bulles qu'on fait avec des arcs, là, avec des grands cordons. Je trouvais que ça avait le même feeling de bulles, puis après ça, pouf, ça éclate, puis là, il y a plein de gens qui retournent dans l'espace pour le remonopoliser. Et je pourrais vous en parler vraiment longuement et longtemps comme ça, parce que, pouf, c'est plein d'énergie, c'est plein de belles choses, et de mais ça, on va l'oublier parce que c'est un peu dommage. Sur ça, c'est des Flatliners après, et on va écouter la reprise de Noé Talbot, acoustique et en français de Flatliners. La lame que j'ai dans le dos, on baignera dans mon sang. T'as le choix de ça ou d'une crise cardiaque. Des années ensemble à faire briller les recoins de notre amour, juste pour succomber à ta taille. Quand tu joues de cette guitare, tu te joues vraiment moi. C'est six cordes tendues, c'est mon cœur. J'souhaite juste que le bois te tâche les mains. Comme ça, t'oublieras pas tout ce que j'ai enduré. Mais ça m'échappera sans fin. Ils disent que les amis vont et viennent. Et compter sur eux, ça vaut pas la peine. C'est juste les morages, je suis défait. et viennent et compter sur eux, ça vaut pas la peine. C'est juste l'hémorragie, j'suis défait. Tourne ta dague dans ma plaie. Flatliners, repris par Noé Talbot. Et oh mon Dieu, je réalisais que dans mon excitation, on vous parlait de pop. Oui, je parlais des amis qu'on se fait dans la crowd et des objets perdus. Mais il y a un gars qui a perdu son soulier pendant une bonne dizaine de minutes et il continuait à trasher. Je le trouvais fort sympathique. Et en même temps, je faisais attention à lui. J'étais comme, fais attention à tes pieds. Et c'est un camarade de CISM qui a retrouvé sa demi de paire. Alors, merci pour la collaboration et c'est toujours le cas aussi dans un trash. Mais ça, les objets perdus, c'est comme... c'est quand même un milieu où on peut relativement les trouver rapidement. Faut juste pas que ça soit trop petit. Et surtout, tes lunettes. Ça me fait penser, il y en a un qui, durant Aaron Schick, j'ai vu avec ses lunettes, il y avait comme une espèce de bandeau qui portait en arrière de la tête et qui tenait aussi ses lunettes. Mais quel gadget surprenant, mais fort pratique. Parce que le nombre d'histoires tristes de gens qui montent une paire... Bon, quand c'est une paire de lunettes de soleil, ça va, mais quand c'est une paire de lunettes, là, oh, j'ai toujours beaucoup de peine pour cette personne-là. Alors, sur ce, je ne connais pas le nom de l'accessoire. Je le cherche et je le poste sur le Facebook de Critique de Crowd. Et qui sait, ça pourra peut-être vous aider, chers auditeurs de la marge, à pas perdre ces objets de valeur. Sur ce, Poupe, il portait, mon Dieu, le chanteur, il portait un T-shirt de Solids. Fait que ça me donne vraiment le goût de vous en diffuser. On va aller écouter « Laissez faire ». We'll be right back. Oh oui, c'est bien rendu Flatliner sur la scène Jardin des bières à la place des festivals durant le Poudja Fest. Et déjà, le public était bien conquis. L'ambiance était déjà bien partie. Et j'ai bien failli perdre mon coup durant des body surf. Qui allait dans tous les sens. Et quand même, quelques petits faits notables. Là. Vous aurez compris quand même la dynamique dans la crowd. Mais ça ajoute un gars qui était tellement excité qu'il était en gougoune. Il a décidé de prendre ses gougounes dans les mains pour pas les perdre et surtout trasher nu-pieds. Ah ben ouais, ah quand même, parce que me semble que moi je pense à mes petits orteils puis je me dis ces ongles ne dureront pas. Mais je te félicite d'avoir bien réussi. Sinon, il y avait un gars qui arrêtait pas de donner des becs à tout le monde, mais pas des becs à la bouche là, comme des becs à la tête. Il prenait ta tête, puis là il était comme vraiment heureux puis rempli d'amour, puis là il donnait un gros bec plein de smack. Il y en a comme, ben après ça tu te sentais plus spécial parce que tu réalisais qu'il l'a fait comme au moins une vingtaine de personnes. Mais je trouve ça très sympathique, ça faisait Calinours dans la crowd. J'ai bien aimé ça. Et finalement, on rappelle, il y a une fille avec son regard ensorceleur. Ouais, c'était comme c'était une sorcière ou un serpent, là, je suis comme pas encore certaine. Mais la fille, elle vient, puis on a comme dansé Esmeralda durant Flatliners, au rappel. Je trouvais que ça avait pas tant de sens, mais c'était très beau, puis les gens nous laissaient la place aussi sur les dalles dans la crowd proche de la scène. Là. Fait que, maman... inusité, improbable, un peu, je l'ai pas trop compris, mais c'était sympathique. Fait que merci beaucoup, Madame Femme Serpent, pour cette danse. Et j'étais surtout bien pressée. Ben, pressée, il me restait du temps, mais il ne fallait surtout pas que je manque Brutal Youth, un de mes groupes préférés. Ouais, je pense que j'ose dire un de mes groupes préférés qui était aux Catacombes. Comme les punk rockers font dans la rapidité, et c'est bien le cas, en 48 secondes, vous avez entendu Four Peat de Brutal Youth, un groupe ontarien avec un chanteur à la fois pas possible et charismatique, les yeux exorbitants et je vole pas de punch parce qu'il saigne à chacun de ses spectacles. Ça me rappelle un peu Trap Dem, c'est un peu le même genre de chanteur sans que ce soit le même genre musical, là, mais on est non, on n'est pas dans l'automutilisation, là, je tiens à le dire, mais à se cogner le micro sur le front. Puis ça doit être le fait qu'il se cogne souvent, là, toujours à la même place, ça saigne assez rapidement et facilement. Alors, ce sera sans surprise que ce le sera encore. Mais c'est un garçon propre, parce qu'à l'entrée, je tiens à le dire, il faisait le ménage. Oui, avec ses serviettes blanches, il est bien nettoyé, parce que juste avant, c'était, mon Dieu, regarde ma feuille, de Dirty Neil. Fait que Dirty, ben ouais, c'était sale sur scène, fait que il a tout nettoyé ça, tout propre, tout beau. Empiler les verres, je vous le dis, là, c'est assez méthodique pour laisser place à l'énervement. Et à des très beaux carpés. Ce gars-là, clairement, il a fait de la gym ou du plongeon dans sa vie, ça se peut pas. Parce que, oui, je le dis, tu sais, il sautait, puis un beau carpé, là. Ah, c'était incroyable. Je suis déjà vendue par le groupe. Alors, ça l'était encore plus. Dans la crowd, par contre, ça a été un peu difficile. Il n'y a pas tant de trash. Au début, j'ai l'impression que moi-même, je le force un peu parce que, oui, je suis excitée parce que c'est un de mes bands que j'attends, puis je suis heureuse. Et, ouais, ça se passe moyen. Finalement, il va en avoir un trash, puis, des fois, ça arrête, des fois, ça recommence. Mais ça va s'intensifier à l'arrivée en stage dive de ce garçon en veston rouge et rugueux. Ah, c'était pas agréable, le pousser. C'était comme, vieux veston de mon oncle. Fait que, ouais, ça, c'était moins agréable. Surtout, quand je vous parle d'intensité, lui, il était extrêmement, là. Il était comme, il poussait comme un chien fou, là. Ça avait aucun rapport, étant donné que je vous dis que le trash était assez difficile dans la crowd. Est-ce que ça l'a fait dire? Je pense qu'on a essayé surtout. Il y en a un qui l'a saisi, là, puis il était quasiment comme calme-toi, là, tu sais, comme essayer de la reprendre un peu, parce que il y avait vraiment un manque d'écoute dans la crowd, dans le sens où je crois qu'on accepte les comportements de tout le monde, mais en même temps, on peut pas... Quand ça fit pas, quand tu vois qu'il y a pas une harmonie dans la crowd, ça se passera pas, tu sais. Justement, il détonnait. Fait que... c'est un peu difficile. Et surtout parce que, lui, particulièrement, il abusait des stage dives, là. Il en faisait tout plein. Puis oui, c'était crowdé, là, aux catacombes. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... trop, c'est comme pas assez. Si tu stage dive tout le temps, puis qu'en plus, on dirait que tu penses juste à toi dans la foule, que tu t'énerves à ton goût, puis tu stage dive à ton goût. Mais ça se ressent. Et c'est ce moment-là précis où, en plus de, oui, témoigner d'un manque d'écoute, j'ai réalisé à quel point, des fois, en tant que participant, on peut manquer de sympathie pour les autres. Pas que les gens ils l'aimaient plus ou que c'était plus agréable, mais simplement... comme pour tous ceux qui stage dive trop. Tu sais, c'est comme, ben, on te supporte plus tant. Tu sais, il est court, ton body surf. C'est un peu comme un message, c'est très implicite puis ça se fait de façon hyper organique dans la foule. Mais je veux dire, si on te retient à peine, c'est peut-être parce qu'on est tanné. Puis j'ai trouvé ça, ouais, vraiment ce mix-là entre sympathie envers l'autre et écoute, comment c'était primordial dans la crowd et que c'était aussi une de ses parts les plus importantes pour vivre un bon spectacle. Parce qu'après ça, il y en a eu d'autres qui ont stage divé ou body surfé puis qui ont été retenus plus longtemps. Fait que, ouais, être attentif à ce crowd, c'est important. C'était mon message. Hey, sinon, le chanteur est toujours aussi, je l'ai dit, beau, incroyable. Moi, je l'aime assez. Et il est très émotif. Il a parlé des pitbulls. Ça lui tient à cœur. Mais après ça, je ne me rappelle plus pourquoi, mais il est devenu super émotif. Je pensais qu'il allait pleurer. Il servirait de bord. Il a tenu le derrière de scène des catacombes. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il va pas finir le spectacle. Là. Il est rendu trop émotif. Puis là, il était comme, super, en rage. Là. Mais en même temps, il faisait juste le défouler dans la musique en chantant. Puis c'est là que donner des coups de micro. Puis ça donnait comme une grosse glu, une grosse morve sur son front. Puis non, j'aime pas le fait qu'il saigne. J'aime son intensité, son intégrité. On le voit, toute la sincérité en lui, c'est assez fou, c'est assez incroyable. Et ce qu'il y a eu d'incroyable, puis je vous parle beaucoup d'amitié, c'est durant, entre autres, ah oh, mon Dieu, c'est le band juste avant Dagger Mouth, c'était... Hey, regarde mes notes, là, je fais des bruits de papier en ondes, check ça. Hey, c'était durant Drowned Way Calls que je n'ai pas d'extrait, fait que va en écouter. C'était un peu plus tard au Catacombes. J'avais fait un tour au Café Cléopâtre parce que j'aime beaucoup la salle. J'étais curieuse de voir comment allait être l'ambiance. Ben, somme toute, en tranquille, mais je trouve qu'en même temps, l'espace est petit devant la scène au Café Cléopâtre. Fait que c'est cool aussi que ce soit tranquille même. Et je suis allée un peu par hasard au Catacombes. Justement, je connaissais pas le groupe. La preuve, je me rappelais plus du nom. Et ben, des stage dive. L'ambiance est vraiment, mais vraiment de feu, là. Genre, c'est complètement fou. Et justement, ça me donne envie moi-même de participer et je stage dive et en même temps que quelqu'un d'autre. Je vous dis, il y a beaucoup de proximité aux catacombes, ce qui fait que l'ambiance est très forte et très bonne rapidement, mais en même temps, j'accorde que deux stage dive en même temps, je trouvais que c'était trop, et là, la magie pizza a comment embarquer. Mon premier réflexe a été de me dire si nous sommes deux à body surfer en même temps sur cette foule que je trouve trop petite pour deux, je vais juste m'embarquer par-dessus lui. Comme ça, il va avoir juste un body surf. Bravo, Jolène. Bravo. Bravo, mais ça a vraiment marché. Tu sais, j'ai déjà fait des stage dive body surf en tandem. C'est réalisable, mais carrément en sandwich, là, comme ben, écrasé un par-dessus l'autre. Ben, ça double le poids. Puis le monde t'a fait, j'étais comme surpris, j'étais waouh, moi qui pensais qu'on avait pogné une débarque. Et je me suis surtout fait un ami. Ouais, c'est un peu bizarre là, comme rencontre. Quoi que c'est toujours drôle à raconter au monde comment t'as rencontré quelqu'un. Ouais, je suis comme juste embarquée par-dessus pendant que stage dive. D'accord, mais... c'est surtout une belle rencontre parce que c'était un Californien qui est venu avec sa gang de chums de Californie aussi. Puis vraiment des gros, gros fans de punk. Puis nouvellement des fans de Montréal. Ils étaient comme « Oh my God, it's so amazing! » il capotait à mort sur la ville. Puis en même temps, je me dis que ça biaise tes perceptions d'être dans un festival aussi effréné avec tout le temps des activités. C'est clair que tu trouves la ville extraordinaire, mais aussi Montréal. Montréal est belle. Puis elle était drôlement crowded cette fin de semaine-là avec les activités du 375e, les géants, les familles. En veux-tu, en v'là. Mais ouais, j'ai trouvé ça comme quand même drôle. On est resté ensemble avec tout ce beau monde-là de Californiens qui m'ont dit qu'il faut absolument que tu ailles au DeFest, qui est en Floride durant l'octobre. Alors, c'est à suivre. Crowd, peut-être j'irai pour, pour pouvoir confirmer que c'est aussi malade que le Puzza. Mais je suis restée avec eux autres durant Daggermouths. Et quand j'ai beaucoup parlé de trash à deux, trash en tandem, oui, c'est bien amusant puis c'est bien pratique. Puis eux autres, c'était vraiment des... dans l'énergie là, que porte le Puzza. Là. On fonce dans le tas et j'ai aussi réalisé comment la technique est à la fois simple pour pouvoir foncer très fort dans la crowd sans se blesser, sans blesser les autres, mais qui s'avère quand même dangereuse. C'est de... tu sais, on était à deux, puis là, il faisait juste comme... Il se laissait tomber. Puis c'est sûr qu'avec la densité de la foule, c'est plus réalisable que dans d'autres où tu pourrais juste tomber tout le temps à terre. Effectivement. Mais ça donne une technique... hyper simple, mais qui tue vraiment la dérive de la, du flow de la foule, mais efficace, vraiment, vraiment efficace. Alors, merci Puzza pour toujours amener ce karma de rencontres inattendues. Tu sais, je pensais même pas aller voir ce show-là. Fait des rencontres, on s'amuse, parce que je trouve que c'est vraiment ça, l'essence de ce festival-là. L'inattendu, la découverte, puis être un peu YOLO sur le bord. Fait que c'est là que ça se passe. Sur ça, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Je vais vous laisser avec Bébé Black Birana se faire des amis, parce que oui, c'est vraiment le mot de la fin. Au Puzza, on se fait des amis. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Théâtre Corona sont fiers de vous présenter les meilleurs concerts du mois de mai. Ne manquez pas Catfish and the Bottle Man le 3 mai. Laura Marling le 13 mai. Yngwie Malmsteen le 16 mai. Eric Johnson Electric Band le 26 mai. Et Animal Collective le 27 mai. Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, visitez le evenco.ca. Diplômé? Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Chanteur, compositeur et acteur, le Brésilien Seu Jorge présente le concert The Life Aquatic, A Tribute to David Bowie en tournée. Une conception scénique créée par des membres originaux de l'équipe The Life Aquatic. Au Théâtre Saint-Denis le mercredi 20 septembre, billets en vente le vendredi 19 mai à 10h au 514-849-4211 ou sur evenco.ca.